enseignements par le vénérable Sayadaw Unanujjota Bhivamsa, retraite de méditation Vipassana 2020, centre d'Amarancy. 4 juillet 2020. Les 9 causes pour le renforcement des 5 indriyas. Pour que le méditant puisse progresser dans sa pratique de vipassana, il faut que les causes appropriées soient présentes. Il existe 9 causes qui mènent au développement des facultés de contrôle. Sayadaw a déjà parlé des 2 premières causes pour le renforcement des indriyas. La première cause consistait à diriger son attention pendant la méditation vers l'aspect cessation des phénomènes. Les yogis doivent comprendre que tous les objets qui se manifestent à chaque instant ont la nature de disparaître. Au début de la pratique, ils ne pourront pas encore voir vraiment cette disparition des phénomènes, car ils n'en sont qu'au début. Mais s'ils savent au préalable que cette disparition des objets est la nature même des phénomènes, que les phénomènes n'en finissent pas d'apparaître pour disparaître l'instant d'après, ils pourront le vérifier par eux-mêmes dans leur pratique. Ils auront alors la connaissance expérimentale de l'impermanence. La deuxième cause pour le renforcement des indriyas, c'est d'adopter une attitude respectueuse et pénétrante lorsqu'on pratique. S'il garde en mémoire que tous les dhammas qu'il observe au cours de sa pratique ont cette même nature d'être impermanent, il faudra que le méditant pratique de façon respectueuse pour pouvoir expérimenter directement par lui-même cette disparition des phénomènes. S'il pratique de façon respectueuse et pénétrante, on peut dire que ce yogi a accompli la tâche qui consiste à développer ses facultés de contrôle. Aujourd'hui, Sayadaw va parler de la troisième cause, la continuité de l'attention. Le méditant observe donc de façon respectueuse et attentive, c'est la seconde cause, et il essaye de le faire sans interruption. Il essaye de réaliser la continuité de l'attention. S'il y arrive, la troisième cause pour le renforcement des indriyas est en lui. Le yogi doit noter de façon continue, sans interruption. Il ne faut pas qu'il y ait des interruptions d'attention. Son observation doit être continue. Si l'attention est continue, les kilesas ou pollutions mentales n'ont aucune chance de s'introduire dans l'esprit. Un esprit libre des kilesas, autrement dit de l'avidité, de la colère, de l'ignorance, etc., pourra expérimenter la légèreté, le bonheur. Il ne se sentira pas submergé par ses pollutions mentales. Il est très important de maintenir la continuité de l'attention pendant toute la journée. Il faut emmener son attention avec soi partout où l'on va. Un moment d'attention doit être suivi immédiatement d'un autre moment d'attention. Le yogi devra donc noter, lorsqu'il change de posture, qu'il passe de l'assise à la posture debout, de la posture debout à la marche, de la marche à la posture allongée. Il devra être attentif lorsqu'il étend les mains, étend les bras, replie les jambes, etc. Il devra être attentif tout au long de la journée à la moindre petite activité qu'il effectue, comme par exemple cligner des yeux, ouvrir les yeux, tourner la tête, pencher la tête, ouvrir une porte, et au moment où il prend son repas. Il ne convient pas que le yogi pratique de façon irrégulière, avec des interruptions d'attention, par moments. Il ne devrait pas non plus réfléchir, hésiter, penser, analyser, se comparer avec les autres yogis. Dans les écritures, on compare l'attitude du yogi à quelqu'un qui essaierait d'allumer un feu avec des bâtonnets. Dans le temps, les allumettes n'existaient pas, et pour allumer un feu, on devait frotter deux bâtonnets l'un contre l'autre de façon à faire surgir le feu. Mais il faut que le frottement de ces deux bâtonnets l'un contre l'autre soit ininterrompu de façon à pouvoir accumuler suffisamment de chaleur pour que le feu apparaisse. C'est de la même façon que le yogi doit travailler. Son effort doit être continu, il ne doit pas interrompre son effort, sans quoi il ne réussirait pas à faire apparaître le feu de la sagesse. Un autre exemple des écritures, c'est le lézard, que l'on appelle en Birmanie le caméléon. Lorsqu'il se déplace, le caméléon ne le fait pas de façon régulière, d'un seul coup. Il y va par étapes. Il franchit une certaine distance et ensuite s'arrête, regarde de tous côtés, tourne la tête, de ci, de là. Il n'atteint jamais sa destination du premier coup. Il doit s'y reprendre à plusieurs reprises. Il pourra finalement atteindre son but et manger ce qu'il avait envie de manger. Les yogis ne devraient pas se comporter comme le caméléon, en interrompant leur attention à tout moment. Leur annotation devrait être continue pendant toute la journée. Ils ne peuvent se reposer qu'au moment où ils se mettent au lit pour dormir. Le yogi devra également s'efforcer de pratiquer en posture assise et ensuite en marche. Il devra alterner. La méditation assise favorise la concentration, car les mouvements de soulèvement et d'abaissement de l'abdomen est un processus naturel. Il ne faut pas respirer de façon forcée. Il faut simplement s'asseoir et observer ces deux mouvements de façon naturelle, tels qu'ils se manifestent. Si on procède ainsi, l'esprit restera tranquille et il va se concentrer. Pendant la marche, le méditant devra fournir un effort pour marcher. Il devra avoir l'intention de marcher et il devra observer les phases du pas. Il devra donc se montrer actif et l'esprit devra être très énergique. Donc, en méditation assise, on peut facilement développer la concentration, alors que pendant la marche, on développe plutôt l'énergie, et on surmonte ainsi très facilement la somnolence et la torpeur. Les trois premières causes pour le renforcement des indriyas sont les plus importantes. Les six causes suivantes pour le contrôle des facultés sont moins importantes. Si ces trois premières causes ne sont pas introduites en soi, la pratique va s'en ressentir. Le méditant ne progressera pas rapidement. Sa pratique est faible. En conclusion, sachez donc que vous êtes ici pour pratiquer. Vous êtes venu parce que vous avez un certain niveau de foi, de confiance. Si vous pratiquez de façon respectueuse et pénétrante, vous allez développer la capacité à l'effort. L'attention va alors apparaître. Si l'attention devient constante et ininterrompue, elle va faire naître une forte concentration. Avec cette forte concentration, la sagesse peut se manifester. Le méditant va réaliser la vérité ultime, la nature ultime des phénomènes physiques et mentaux qu'il observe. Avec ce regain de compréhension, de vision pénétrante, la confiance va se renforcer. Et le méditant, en conséquence, va fournir plus d'efforts et plus d'énergie. Si l'effort se renforce, l'attention est maintenue plus longtemps. Et de cette façon, le méditant peut réaliser encore plus de connaissances. Ce cercle de cause et d'effet va prendre de la vitesse. Sayadaw vous souhaite à tous de pouvoir mettre en application les instructions qui ont été données. Puissiez-vous tous prendre la résolution de pratiquer de façon respectueuse, attentive et continue, ce qui va vous permettre d'obtenir des résultats, c'est certain. Sadhu, sadhu, sadhu.